leurs âmes, de Sibyl Riquetti de Mirbeau, comtesse de Martel, dite Gip. Chapitre 1er. Monsieur de Morière demanda, en se retournant pour regarder une femme qui passait au galop dans l'allée des cavaliers, « Quelle est cette très jolie femme avec Dargon ?»« Mais c'est la sienne. »« La sienne, Dargon est mariée. »« Depuis un an. »« On voit bien que tu reviens de l'Inde, toi. »« Pourquoi fais-tu une tête ?» Ça t'ennuie que ton ami Jacques soit marié ? Oh, pas du tout. Seulement, je trouve qu'il aurait pu m'annoncer son mariage lui-même, au lieu de me le laisser apprendre par n'importe qui. Merci. Tu sais, il ne faut pas lui en vouloir. Il n'a pensé à rien. Il était tellement amoureux, et ça s'est bâclé si vite. Qui a-t-il épousé ? Une jeune fille charmante qui est un peu ma cousine et qui s'appelle Christiane de Bracieux. Riche ? Pas très. C'est même ce qui a empêché le mariage de se faire plus tôt. Jacques, qui savait que ses excellents parents, normands jusqu'à la moelle, ne comprenaient que vaguement le mariage d'amour, n'osait pas souffler mot de Christiane, mais patatras, le père et la mère d'Argonne se laissent glisser, et alors, pan, en trois temps, deux mouvements, tout a été conclu. Comment ? Le père et la mère d'Argonne sont morts, parfaitement. Pourquoi la nouvelle de cet incident normal et prévu semble-t-elle t'étonner outre mesure ? Elle ne m'étonne pas outre mesure, seulement, tu comprends. On est tout bête. Quand, après une absence de 18 mois, on apprend coup sur coup toutes les choses arrivées pendant ce temps-là. Oui, tu as laissé Jacques entre le père et la mère d'Argonne, qui lui offraient une nourriture peu copieuse, une chambre de bonne dans leur vieil hôtel et un crédit très limité au bon marché, avec injonction formelle de s'y faire habiller du chapeau aux bottines. Le marquis de Morière se mit à rire. C'est vrai, pourtant, ce pauvre Jacques. Et malgré ça, il était mieux que nous tous. Parbleu, il est tellement joli garçon, l'animal. Ses parents ont dû lui laisser une très belle fortune. Moins belle qu'on ne croyait. Le père d'Argonne s'était fourré du Panama jusqu'aux yeux. Jacques doit avoir 80 000 francs de rente, tout au plus. Et sa femme ? 200 000 francs, en tout. Bigre, c'est peu. Chani indiqua un groupe de cavaliers qui s'avançaient dans l'allée. Tiens, la voilà qui revient, et au pas cette fois. Tu vas pouvoir la regarder à ton aise, et tu sais, elle en vaut la peine. Monsieur de Morière se tourna vers les arrivants, examinant Madame d'Argonne, qui passait souple et élégante dans son amazone très courte. Quand elle fut passée, il déclara « Jolie comme un amour, mais mal habillée. » Paul de Chani protesta vivement. « Pas du tout. Et quand même, ça serait. Ça ne l'empêcherait pas d'être plus jolie que toutes les autres. Tu en es amoureux ?»« Non, plus maintenant. Mais je l'ai été. Ah, mon pauvre ami, à en devenir idiot. D'ailleurs, depuis un an que Christiane est mariée, tous les hommes de son entourage ont été amoureux d'elle à un moment donné, tous, de 22 à 70 ans. Et le résultat de ces amours collectifs ?»« Nul. Elle aime Jacques. » Comment ? Encore ? Plus qu'au premier jour. Et quand je dis qu'elle l'aime, c'est insuffisant. Elle l'adore. Ah bah, tant que ça. Tant que ça. Qui salues-tu ? Ah, Madame de Treuil. Et Chani ajouta en riant. Bien habillée, hein, celle-là. Oh, quant à ça. Je me demande si les formes que dessine cette Amazone si bien faite sont très sincères. Qu'est-ce que tu en penses ? Je n'en pense rien. Je regarde, j'admire. Et je ne vais pas plus loin. Tu n'es pas exigeant. Ça dépend de ce que tu entends par là. J'exige, au contraire, qu'une femme fasse tout ce qu'il est en son pouvoir de faire pour se rendre jolie et désirable. Et je désire ce qu'elle me montre, sans perdre mes illusions à rêver ce qu'elle me cache. Tu es bien toujours le même. Le cadre avant tout. Toujours. Et ce n'est pas mon séjour dans les pays chauds qui m'aura fait mépriser le cadre, va. Au contraire. Ah, les beautés sans voile, ce qu'on en a vite assez. Te souviens-tu du temps où tu étais amoureux de Madame de Bouillon, malgré son gros ventre et ses bras rugueux qui ressemblaient à des troncs de vieux pommiers ? Tu ris. Tu ne riais pas dans ce temps-là, sapristi. Dans ce temps-là, j'avais 22 ans, et Madame de Bouillon était la femme la plus extraordinairement habile dans l'art de rouler les gens. Elle m'apparaissait au travers de nuages de tulle ou de cascades de satin, qui déguisait savamment les imperfections pour lesquelles tu te montres si sévère. Elle était lourde, j'en conviens. Ses bras étaient vaguement noueux, et sa peau n'avait pas un grain exquis. Mais elle s'habillait à ravir, et sa maison était la plus élégante de Paris. Rien, si tu veux, de remarquable, mais tout si bien enveloppé, si admirablement présenté. Et moi j'avais cette faiblesse, que j'ai toujours d'ailleurs, de préférer ce qui est bien présenté à ce qui est de qualité peut-être supérieure, mais... Autrement dit, j'aime mieux un bouchon de carafe dans un écrin que le régent dans un morceau de papier. Absolument. Moi pas. Tiens, les Treuil t'ont reconnu. Ils viennent te dire bonjour. Madame de Treuil, une jolie femme, infiniment chic et bien pomponnée, revenait vers eux, agitant le petit rotin qu'elle tenait à la main et donnant des signes de profonde stupéfaction. « Comment ? C'est vous ? Est-ce bien possible ? Nous croyons que vous ne reviendriez plus jamais. » Et le baron de Treuil, un homme de 40 ans, assez bien de sa personne, correct et pomponné comme sa femme, répéta comme un écho. « Plus jamais. » Morière protesta poliment. « Est-ce qu'on peut ne pas revenir à Paris ? Tout le temps du voyage, on pense à ce qu'on y a laissé, à ce qu'on y retrouvera. » Il disait cela d'une voix caressante, en attachant sur Madame de Treuil un regard voilé et chaud qui la fit imperceptiblement rougir. Et il disait cette phrase aimable, et il regardait ainsi, sans arrière-pensée, sans désir aucun de faire croire à la jeune femme ceci ou cela. Il obéissait, comme toujours, à l'impérieux besoin de plaire qui était en lui. Inconsciemment aimable, câlin presque, adoré des femmes de tous les âges dans ce milieu mondain où les femmes, beaucoup plus intelligentes que les hommes, ont seule qualité pour décider du plus ou moins de valeur des gens, le marquis de Morière était avant tout un charmeur. Très joli garçon, long, svelte, distingué, bien musclé, souple dans ses mouvements, adroit à tous les sports, il passait, au moment de son départ, pour l'homme le plus chic du monde, le plus élégant. Et en regardant sa haute silhouette qui se détachait sur le fond vert tendre de la potinière, Chagny songeait que son ami André n'avait rien perdu de sa belle allure, ni de sa jeunesse, au cours de ses 18 mois de fatigante pérégrination dans des climats fiévreux et malsains. La baronne demanda « Vous êtes-vous amusé, au moins ?»« Modérément. Autant qu'on peut s'amuser loin de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on aime. » Il caressait doucement en parlant l'encolure du cheval, et la jeune femme semblait prendre plaisir à cette caresse. Chagny la regardait, très intéressée, pensant à part lui. « Une femme qui n'aime qu'elle-même, une sèche s'il en fut jamais. Faut-il qu'il ait un diable de fluide, cet André ?» Après un silence, Madame de Treuil demanda encore « Et la potinière, comment la trouvez-vous ? Toujours la même, n'est-ce pas ?» Le marquis se récria. « La même ? Ah ben non, par exemple. On n'y voyait pas de vélocipède il y a 2 ans. C'était élégant, coquet, la potinière. Aujourd'hui, avec toutes ces abominables machines appuyées contre les arbres, ça ressemble à une gare de marchandises. C'est écœurant. Alors, vous n'aimez pas la bicyclette, monsieur de Morière ? Je ne l'aime ni ne l'aime pas. Je l'ignore totalement. Mais je comprends que ceux que ça amuse en face. Même les femmes ? Oh, les femmes qui montent là-dessus ne sont plus des femmes. » Et comme M. de Treuil riait en regardant la baronne, il ajouta vivement « Vous ne montez pas en bicyclette, j'espère. »« J'apprends. Oh, pas au bois, pas dehors, non. Je vais au manège grand. » M. de Treuil dit timidement « C'est là qu'il y a le plus de monde. On y va pour se montrer. On y va pour travailler. Tant pis s'il y a des imbéciles qui regardent, » fit aigrement la jeune femme. Désolée de l'avoir mécontente, un peu par sa faute, Morière reprit en l'enveloppant d'un regard qui la déshabillait toute. « Vous encore, vous avez une excuse. C'est que le costume doit vous aller délicieusement. » Et d'un air indifférent, il questionna « Est-ce que vous montez tous les jours ? À quelle heure ?» Tous les jours, à 4 heures, je prends une leçon. Si vous le permettez, j'aurai l'honneur d'aller vous admirer. Oh, de très loin, sans vous déranger le moins du monde. Oui, c'est ça. Venez, ce sera très amusant. Elle indiqua de la main une femme rose et blonde qui arrivait au galop accompagnée d'un homme au trait fin, à la tournure jeune, et continua. Vous trouverez aussi votre cousine de Givray. Comment ? Fit Monsieur de Morière très surpris. Rosette monte sur ces horribles choses, elle... Non, non, rassurez-vous, elle vient assister aux leçons de son mari, c'est touchant. Monsieur et Madame de Givray s'étaient arrêtés en reconnaissant les Treuil, et ils revenaient sur leurs pas. Lorsque la jeune femme vit le marquis qu'elle n'avait pas aperçu d'abord, elle poussa un joyeux cri. « André, comment te voilà ? Ah, que je suis contente !» Et comme, ravie aussi de le voir, il lui donnait une affectueuse poignée de main, elle s'écria gaiement. « J'ai envie de t'embrasser. Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir ? Depuis quand es-tu ici, vilain monstre ? Depuis hier. Je comptais aller vous demander à dîner si je ne vous voyais pas ici ce matin, ton mari et toi. » « Et alors, puisque tu nous vois, tu ne viendras pas ?»« Si, n'est-ce pas, tu viendras ce soir. »« Ce soir ?» dit Madame de Treuil. « Mais vous dînez chez nous ?»« Ah, mon Dieu, c'est vrai !» murmura la petite de Givray d'un air consterné. « Je n'y pensais plus du tout. » Et voyant la tête de son mari, elle reprit, pour excuser la désinvolture de sa réponse. « Je suis tellement étourdie. » Monsieur de Treuil intervint. « Savez-vous le moyen d'arranger cette affaire si compliquée ?» Il faut que Morière vienne dîner avec nous, Chagny aussi. C'est dit, n'est-ce pas? Nous avons les Dargonnes et les Vaunancourt. Ah, fit le marquis, les Dargonnes. Madame de Treuil demanda curieusement. Vous connaissez Madame Dargonne? Je viens de l'apercevoir à l'instant pour la première fois. Elle est ravissante. C'est la plus jolie femme de la saison, déclara nettement la petite de Givray, sans paraître remarquer l'air pincé de la baronne. Tu verras ça, André, toi qui t'y connais. Puis, revenant à ce qui l'intéressait, « Demain, dis-moi que tu viendras dîner demain. » Monsieur de Givray se mit à rire et regardant affectueusement sa femme, quand Rosette a une idée. Madame de Treuil fit un signe à son mari et tournant son cheval. « Nous vous laissons à vos épanchements. » Après un temps, elle acheva. « De famille. » La petite de Givray sentit l'intention désagréable. Elle protesta en riant. « Oh, bien innocent, les épanchements de famille. Vrai, ça. Je suis la seule des cousines d'André qui n'ait jamais eu de passion pour lui. Et non seulement la seule cousine, mais peut-être la seule femme. » Regardant tranquillement la baronne, elle conclut d'un air bonhomme. « Car toutes ont eu plus ou moins des passions pour lui, vous ne croyez pas ?» Madame de Treuil ne répondit pas et s'éloigna en criant « À ce soir !» « Sais-tu que tu es agaçante quand tu t'y mets, ma petite Rosette ?» dit Morière à Madame de Givray. « Tu m'en rends ridicule avec tes suppositions à dormir debout. »« Mais non. Mais si. Et pourquoi dis-tu ça ? Je te le demande. » »« Je dis ça pour embêter Madame de Treuil, pas pour autre chose. »« Ça lui bien égal à Madame de Treuil. » »« Tu ne penses pas un mot de ce que tu dis. Je ne sais pas ce que tu lui as fait. Soit avant ton départ, soit depuis ton retour, mais il est certain... » qu'elle te regardait avec les yeux cuits que je lui connais quand elle veut plaire. » Se tournant vers Chagny, qui riait, elle le prit à témoin. « N'est-ce pas, c'est vrai, monsieur de Chagny ?»« Parfaitement vrai. » André a décoché tout à l'heure à Madame de Treuil quelques phrases très poétiques sur ce qu'on quitte et ce qu'on retrouve à Paris. Les dites phrases appuient des regards que vous connaissez, tout comme vous connaissez les yeux cuits de Madame de Treuil. « Permettez, » fit le marquis. Sa cousine l'interrompit vivement. « Nous ne permettons pas. » « J'en étais sûr qu'il y avait quelque chose comme ça. »« Ah, ce serait justice si tu traînais pour la vie au pan de ton habit toutes les femmes plus ou moins embêtantes que tu te plais à y accrocher. »« Est-elle méchante ?» dit Morière, s'adressant à Monsieur de Givray. « Est-ce qu'elle est toujours comme ça ?»« Souvent. Elle n'aime pas beaucoup les Treuil. Et vous savez, quand Rosette n'aime pas quelqu'un... »« Mais... » objecta le marquis... « Ce n'est pas pour les Treuil qu'elle est méchante, c'est pour moi. Les Treuil, ça m'est bien égal. Dites-moi, il va être assommant le dîner de ce soir. »« Mais non, puisque nous y sommes, et toi aussi, et Monsieur de Chagny, et les Dargonnes, qui sont gentils comme tout, » affirma gaiement la petite de Givray. « Ah !» demanda Monsieur de Morière, inconsciemment intéressé. « Ils sont gentils, les Dargonnes. »« Dame, lui, tu le connais ?»« Sans doute, je le connais. » Mais le mariage a pu le changer, et quant à sa femme, je viens de l'avoir passée de très loin. » Madame de Givray répondit, l'air convaincu. « Sa femme, c'est la plus adorable femme qui soit, bonne, affectueuse, et simple, et pas poseuse. Ah non, pas pour deux sous snobs, celle-là, ça change des autres. Tu es lié avec elle ? » ?»« Oui, autant que je suis capable d'être lié avec une femme très mondaine, ou même avec une femme tout court. » « Je ne comprends ni les petits secrets, ni les confidences, ni les complicités qui, paraît-il, composte habituellement les amitiés féminines. Je suis un très bon camarade. Un point, c'est tout. Enfin, Madame d'Argonne te plaît. C'est une bonne note, ça. Parce que on ne te plaît pas facilement à toi. Après un instant de réflexion, il questionna. Et d'Argonne aime-t-il sa femme? Beaucoup, quand il a le temps. Tu sais à quel point il est lancé, et toujours l'affût de ce qui peut le lancer davantage, et affolé de chic. C'est tout à fait un monsieur dans ton genre, ton ami d'Argonne. Alors tu peux te rendre compte de la place que tient dans sa vie une femme, quand cette femme est la sienne. Enfin, la trompe-t-il? La petite de Givret se récria « Jamais !» jusqu'à présent. Et comme Chani faisait observer doucement qu'on ne peut pas savoir ces choses-là, elle s'entêta. « Mais si, je suis sûr, moi, que M. d'Argonne n'a jamais trompé Christiane, dans le sens absolu du mot. Il est bien évident qu'il est occupé de toutes les femmes qu'il rencontre, à condition toutefois que ce soit des femmes chiques, mais pour le tromper, tromper jamais. » M. de Morières se mit à rire et dit « Tu prétendais tout à l'heure que d'Argonne est un monsieur dans mon genre. Eh bien, je puis t'assurer que si j'étais marié, je tromperais certainement ma femme, et que je la tromperais dans le sens absolu du mot, comme tu dis. » Madame de Givret secoua sa petite tête fine et répondit « Je n'en sais rien. Une Christiane serait peut-être assez belle et assez intelligente pour te garder. » Comme son cousin faisait un geste négatif, elle ajouta « Ne dis rien avant de l'avoir vue. Tu la verras ce soir et même avant, car les revoilà, les d'Argonne. » Elle rentra dans l'allée et fit quelques pas au-devant d'un groupe de cavaliers en disant « André de Morières est là. » « André ?» s'écria joyeusement le comte d'Argonne. « Où ça ?»« Mais là, sous les arbres, avec Henri et Monsieur de Chagny. » Suivi de sa femme, d'Argonne marcha vers Morières en disant, heureux, ému presque, « Et nous qui passions sans te voir ?» En lui serrant la main, André répondit, « Vous êtes déjà passé deux fois, et tu ne m'as pas appelé. Mais, à cause de Madame d'Argonne, je ne me serais pas permis de... Au fait, que je te présente. Christiane, c'est André de Morières, mon plus vieil ami. » Et tout content de montrer la jolie créature dont il était si fier, il ajouta, « Ma femme. » Madame d'Argonne inclina sa belle taille, tendant la main à M. de Morières qui saluait. Tout de suite, il se dit, au contact de cette main souple et solide qui serrait franchement la sienne, « Ça doit être une femme honnête et droite. » Et quand, relevant la tête, il vit le joli visage rosé, les beaux yeux d'un bleu sombre et les dents éblouissantes qui éclataient dans une bouche d'enfant, et il pensa « Elle est très jolie, c'est vrai, elle est complète. Les cheveux, la peau, le teint, les oreilles, la taille, tout y est. Et pourtant il lui manque quelque chose, quoi ?» Et tandis qu'il balbutiait des mots d'une courtoise banalité, il se demandait à part lui « Mais qu'est-ce qui lui manque donc pour être tout à fait ravissante ?» Et peu à peu, son œil, s'accoutumant aux lignes si pures de Christiane, détaillant ses traits infiniment jolis et délicats, il en revint à sa première impression, l'impression ressentie quand il avait une heure plus tôt aperçu la jeune femme. Mal habillée. Sans être mal habillée, Madame d'Argonne n'était pas mise avec le chic que Morières prisait si fort. Son amazone était courte, mais elle ne tombait pas assez droit, sans aucun pli. Une petite grimace ridait la fermeture de la jupe. Le chapeau de soie, d'une irréprochable fraîcheur, n'était pas, comme forme, le dernier cri. Il pouvait dater de 6 mois. On faisait depuis le printemps des bords moins relevés. Les cheveux de cette belle couleur à cajou sombre qui semble de l'or au soleil, des cheveux que l'on devinait doux et lourds et étaient tordus très serrés, assez bas sur la nuque, sans aucun souci des ondulations, des bandeaux 1830 ou des chignons grecs. L'oreille, toute petite, une vraie merveille, se montrait franchement, détachant sur les cheveux sa coquille de nacre rose. Madame d'Argonne avait une beauté singulière, à la fois saine et délicate, d'un charme exquis. Elle ne ressemblait à personne. Elle n'était pas une femme élégante selon la forme habituelle, mais elle était quelqu'un. Arrivé de la veille, M. de Morières, qui avait passé la soirée à l'opéra et la matinée au bois, savait déjà par cœur les modes et les raffinements survenus en son absence. son œil exercé de mondain qui vit uniquement préoccupé d'élégance, découvrait du premier regard des fautes perceptibles seulement pour lui et quelques autres initiés. Et tandis que Dargon se réjouissait du silence distrait qu'il attribuait à l'admiration causée par la grâce et la beauté de sa femme, André concluait presque mécontent. Rien d'extraordinaire, en somme, je m'attendais à tout autre chose. Seule la petite de Givray connaissait assez à fond son cousin pour comprendre ce qui se passait dans son esprit. Pendant que les Dargon causaient avec son mari et Chani, elle lui demanda d'une voix sourdie et narquoise « Pas assez chic pour toi, hein ?» André, surpris de voir répondre ainsi à sa pensée, dit en riant « Pour moi, ni pour personne, pas chic du tout, mais très, très joli. » Il songeait à présent que s'il n'admirait pas pleinement Madame Dargon, elle non plus ne devait pas éprouver pour lui cet intérêt qu'il sentait habituellement dans l'attitude de toutes les femmes auxquelles on le présentait. Toujours, il devinait, même chez les plus réservés, un mouvement de sympathie ou au moins de curiosité. Souvent, certes, Jacques Dargon avait dû parler de lui à sa femme et lui vanter ses mérites, même avec exagération. Et cette jolie personne l'avait regardé bien en face, posant sur lui avec une curiosité tranquille ses beaux yeux lumineux, lui donnant ensuite une poignée de main cordiale et forte, une vraie poignée de main d'homme et d'ami. Rien des effleurements subtils, appuyés ou défiants, auxquels les femmes l'avaient accoutumé. Maintenant elle causait, sans plus s'occuper de lui que des autres, distraite par le mouvement de l'allée, envoyant un bonjour ou rendant un salut. D'abord, le marquis, un peu vexé de cette indifférence, se demanda s'il n'était pas affecté, mais il connaissait trop bien les mille petits manèges féminins pour ne pas voir très vite l'absolue sincérité de Madame Dargon. Cette sincérité l'inquiéta un peu. Sans être naturellement fat, Morière avait eu tant de fois la preuve de sa supériorité qu'il en était venu à se priser assez haut. Vivant dans un autre milieu, moins préoccupé des choses mesquines, moins adulé des imbéciles qui le copiaient sans lui ressembler, il se fut aperçu peut-être que son intelligence était belle et que son cœur était bon. Mais les hasards de l'existence ayant fait de lui un homme chic, il avait borné là son horizon et se tenait pour satisfait d'être le mieux élevé, le mieux mis et le plus recherché des mondains. Lorsque, 18 mois plus tôt, il avait entrepris ce long voyage, son départ avait stupéfié tous ceux qui gravitaient autour de lui. On ne croyait pas que Paris pût se passer de Morière, ni Morière de Paris. Et tout de suite, on s'était efforcé d'assigner une cause à cette subite détermination. Pourquoi s'éloignait-il? Chagrin d'amour, déception, perte de jeu. Le vrai motif du départ d'André était beaucoup plus simple. Il voulait voyager parce que la mode était au voyage. Et il allait en Perse, parce que la Perse attirait pour l'instant les voyageurs les plus sélects. C'était bien ennuyeux de partir, mais il le fallait. Il se ferait regretter, désirer, et reviendrait plus brillant et plus neuf après ce long changement d'air. Une fois en route, M. de Morière s'était vite fait à son existence nouvelle. Il avait aimé le décousu de cette vie mouvementée, confortable quand même. Il s'était plu à courir les mignons dangers, pour ainsi dire compris dans l'itinéraire, et reculant la date de son retour, il avait suivi aux Indes un Anglais qui jouait ailleurs un rôle analogue au rôle que lui jouait à Paris. Ces deux mondains s'étaient compris et avaient pendant quelques mois associé leurs élégances. De retour depuis la veille, le marquis se demandait, en constatant le peu d'impression qu'il produisait sur Madame Dargon, si, durant cette longue absence, son prestige n'avait pas diminué. À Paris, on oublie vite. Était-il possible que cette jeune femme, très jeune et un peu provinciale d'allure, n'eût de le connaître aucune curiosité? Si l'on avait parlé de lui devant elle, il eût représenté à ses yeux la tentation, le danger, le fruit désirable et défendu. Et si elle le regardait avec cette indifférence aimable et paisible, c'est donc qu'elle n'avait jamais entendu rien dire des choses qui se disaient autrefois. La voix de la petite de Givray le tira de ses réflexions. « Il va être midi, vous savez. Moi, j'ai faim. Au revoir, André. À tantôt. » Madame Dargon dit en tendant la main à Chani et au marquis. « nous rentrons aussi. » Sa belle voix grave, d'un timbre très pur, frappa Morière, qui la regarda avec un commencement d'intérêt. Monsieur d'Argonne n'y tint pas. Dans le mouvement du départ, il amena son cheval près du marquis et lui demanda, en se penchant sur sa selle, parlant bas et souriant d'avance de l'explosion d'admiration qui l'attendait, « Eh bien, comment la trouves-tu ? » Morière répondit poliment, « Ravissante, mon ami, absolument ravissante. » Chagny le regarda étonné et dit, en suivant de l'œil les givrets qui filaient au galop dans l'allée, « Ma parole, on dirait que tu ne le penses pas. Mais si, comme tu dis ça, comment ? Tu ne trouves pas qu'elle est délicieuse, parfaite ?» Morière répondit, en remontant dans le phaéton de Chagny qui stationnait sur la route, « Il y aurait là-dessus bien des choses à dire. »